Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les années 90 au cinéma. Les gens commencent à faire leurs films présentement, il y a plein de copains. Il y a Turpin qui a fait un film il y a quelques années, il y a Paragamian, il y a Jean-Philippe Duval qui va faire un film cette année. Je pense qu'il y a un grand amour du cinéma, une envie de faire un cinéma plus ludique, un cinéma qui travaille plus l'image aussi. Mais c'est évident que présentement, il y a un nouveau groupe qui commence à faire des films. C'est très, très stimulant. Le réalisateur Denis Villeneuve à l'émission Les Actualités en mai 1998, au moment où il part présenter son film Un 32 août sur Terre au Festival de Cannes. Denis Villeneuve, qui en est au début de sa carrière à ce moment-là, appartient à cette nouvelle génération de cinéastes qui font leur premier pas au cinéma québécois dans les années 90. Les années 90 au cinéma, c'est aussi l'expérience assez unique des réalisateurs danois qui vont signer le Manifeste du Dogme 95, une manière de défi pour réinventer à leur façon le 7e art. En Espagne, les années 90 voient le talent de Pedro Almodovar s'affirmer et annoncer l'immense cinéaste qu'il va devenir. Enfin, les années 90 au cinéma, c'est aussi l'histoire d'un pari très risqué, mais totalement réussi. L'histoire d'un gigantesque succès au grand écran, le film Titanic de James Cameron. Bonjour! Bonjour, ma princesse! Cette nuit, j'ai rêvé de toi toute la nuit. Nous allions au cinéma. Tu avais mis ton petit tailleur rose que j'aime tant. Je ne pense qu'à toi, ma princesse. Je pense sans arrêt à toi. Et alors? Et alors? Papa, il me pousse dans les rouettes et il se lève à me rire. C'est un rire de rire, il est en tête. Il vient de là déjà, maman. Hey, Kleiner, come here. On est éliminé? Non, non, non. Voilà mon histoire. Maman! Voilà le sacrifice que fit mon père. Josué! C'est le cadeau que j'ai reçu de lui. On a gagné, on a gagné! Oui, on a gagné. Josué! 1000 points, on a gagné! En mourant de rire tout le temps! On est premier au jeu, on va rentrer en char d'assaut à la maison. On a 1000 points, on a gagné! Autre petit clin d'œil aux années 90 au cinéma, le magnifique film de Roberto Benigni, La Vita è Bella, La Vie est belle en français. La Vie est belle qui aurait aussi pu faire partie de cette émission sur le cinéma des années 90, mais il faut faire des choix, je le dis à chaque fois. Pour évoquer donc cette décennie de cinéma, trois séquences avec trois invités. Raphaël Ouellette, réalisateur au cinéma et à la télévision, cinéphile averti, amoureux, on l'a compris maintenant, de la Scandinavie. Raphaël Ouellette, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous du dogme, du manifeste du dogme 95. Hélène Faradji, une habituée de l'émission et dimestre de la section cinéma du site de Radio-Canada.ca, animatrice du balado cinéma plein écran, sur ICI Première. Hélène, bonjour. Bonjour. On va aller en Espagne avec vous, parler de Pedro Almodovar. Et Marc-André Lucier, critique de cinéma à la presse, qui va nous dire pourquoi le film Titanic est un grand film. Marc-André Lucier, bonjour, bienvenue bonjour. À l'émission. Bonjour, merci. Premier tour de table avec vous trois. Marc-André, d'abord, peut-être, sur spontanément, ce que ça évoque pour vous, les années 90 au cinéma. Bien, spontanément, si je regarde du côté du cinéma québécois, c'est effectivement une décennie où on assiste à l'arrivée d'une nouvelle génération de cinéastes et où, en même temps, c'est un petit peu plus difficile pour les vétérans qui sont là. Qu'on pense au cinéma de Denis Arcand dans les années 90, il s'est beaucoup tourné vers le cinéma anglophone. Ouais. Qu'on pense à Gilles Carle, bon, La Postière et tout ça. Donc, on sentait vraiment là, qu'il y a quelque chose qui se passait. Un changement de garde, là, tout à fait. Hélène Faradji. Pour moi, c'est à la fois l'arrivée d'une nouvelle génération de réalisateurs aux États-Unis, notamment, qui réinvente un peu le blockbuster, mais à la sauce auteur. Donc, c'est Tarantino, c'est les Coen. Grosse décennie pour Spielberg aussi, David Fincher. Donc, tous ces talents qui arrivent. Et c'est aussi deux choses que je trouve assez symboliques. C'est la démocratisation du cinéma avec les outils qui deviennent beaucoup moins chers, qui deviennent beaucoup plus accessibles. Et la mort de Stanley Kubrick. Je trouve qu'il y a là-dedans quelque chose d'assez représentatif de ce qui s'est passé dans ces années-là. Ouais. Raphaël Ouellette, qu'est-ce que ça évoque pour vous, les années 90 au cinéma? D'un point de vue personnel, c'est la découverte du cinéma. Moi, je viens d'un village, je n'avais pas accès à un cinéma de qualité. J'arrive à Montréal, donc je découvre la boîte noire, la cinémathèque. Personnellement, c'est ça pour moi. Sinon, pour moi, c'est Sundance qui m'a beaucoup nourri. Le cinéma fait avec peu de moyens, mais réellement, à cette époque-là, on pense au film des frères McMullen, à Roberto Rodriguez, on pense aussi à Michael Moore avec son premier documentaire. Le vrai cinéma indépendant américain. Le vrai cinéma fauché, d'une certaine façon. Ouais. Et une certaine nostalgie, l'époque où on avait plusieurs cinémas et plusieurs salles, au lieu d'avoir que des cinéplex, un peu tous semblables. Avec chacune de ces salles avec sa personnalité. Son odeur. Pourquoi ils font les idiots, là? Oui, c'est une sacrée bonne question. Ils sont à la recherche de leur idiot intérieur, Karen. Personne ne le fera pour eux. Minou Petrovski est à Cannes, bien sûr. Bonjour, Minou. Bonjour, Marie-France. Alors, vous aviez commencé à nous parler hier du film de Lars von Trier, le Danois, qui est là, mais qui cause tout un émoi parce qu'il vient présenter avec d'autres de ses collègues cinéastes une espèce de mouvement duquel il fait partie, qui s'appelle le dogme. Oui, exactement. Alors, c'est ce qu'il appelle son vœu de chasteté. Ça veut dire qu'il faut que tout soit tourné en décor naturel, que tout, le son et l'image, soit en direct, qu'il n'y ait pas de musique, à moins que s'il y a une phrase musicale, il faut que ça soit enregistré en même temps que le tournage, qu'il ne faut absolument aucun ni filtre, ni effets spéciaux, et que ça soit véritablement le plus libre possible, caméra à l'épaule tout le temps, dont lui a fait une partie de la caméra, il y a deux caméras là-dessus sur ce film. À l'âge de pierre, les idiots mouraient. Ça ne doit pas nécessairement être comme ça de nos jours. Minou Petrovski, au micro de Marie-France Bazot à l'émission Indicatif présent en mai 1998, au moment où le film de Lars von Trier, Les Idiots, est présenté à Cannes. Cette année-là, il y a deux films, en fait, réalisés selon les critères du manifeste Dogme qui sont présentés à Cannes, Les Idiots et Festen. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Raphaël Ouellet, Minou Petrovski donne une petite idée du carcan, parce que c'est ça, au fond, le manifeste, c'est des règles que s'imposent un peu en voulant s'amuser, mais que s'imposent les cinéastes danois, deux principalement, Vinterberg et Lars von Trier. Ça commence quand, cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est, le dogme 95? C'est réellement un manifeste de cinéma, un manifeste artistique, pensé par ces deux cinéastes-là. Ça a été lancé, ça, quelques années auparavant, en 95, dans le cadre du centenaire du cinéma, à Paris, dans un grand rassemblement à l'Odéon, et un symposium. Et Lars von Trier, sur place, a lu son manifeste, Les 10 commandements. Hein. Il y a toute une espèce de champ lexical, biblique et religieux là-dedans. Et pour compléter peut-être les commandements qu'on a entendus dans l'extrait, on pourrait dire qu'il fallait... Il a annoncé aussi qu'il fallait que le film ne soit pas un film de genre, par exemple. De ne pas contenir d'actions superficielles, des meurtres, des armes, des choses comme ça. Que tous les films devaient être filmés dans un format académique, donc en 35 mm. Ça, il n'y a jamais personne qui a respecté ce vœu-là. Ouais. Et dans un format un peu carré, là, le format de la pellicule. Et que les films ne devaient pas être signés non plus par les auteurs. Par, ça, c'est par quand les même auteurs. Fort en ketchup. En fait, le réalisateur là-dedans dit un peu, je renonce à... Il ne faut pas que ce soit du cinéma d'auteur. C'est un petit peu ça, l'idée. Oui, il dit, en tant que réalisateur, de m'abstenir de tout goût personnel. Je ne suis plus un artiste, je jure de m'abstenir de créer une œuvre, car je vois l'instant comme plus important que la totalité. Ouais. Donc, il y avait une espèce de truc un peu anonyme où l'art prenait le dessus sur le créateur. Ouais. Mais Lars von Trier nous a habitués à signer ses films sur l'écran. Son nom est plus gros que le titre du film. Ouais. Donc, c'est quand même assez rigolo que ça vienne de lui. Mais c'est un cinéma... les règles, en gros, il y a un effet, puis on va le voir, ce que ça donne, parce que ça donne un type de cinéma différent, mais essentiellement, c'est des règles de réalisateur. C'est éclairage naturel, pas de musique. C'est beaucoup des trucs techniques. Des trucs techniques. Oui. Ben, lui, il a réalisé quelques années avant de penser à son dogme, une série télé qui s'appelle Le Royaume, The Kingdom. Et il n'y avait pas ni l'argent ni le temps pour le faire. Et il a dû donc s'adapter parce que Lars von Trier a toujours fait des films très parfaits, méticuleux, très techniques aussi. Et là, il a dû se réinventer et il a rencontré des nouveaux moyens de production, des éclairages naturels, spontanéité avec les acteurs, des longs plans séquences et tout ça. Et il s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas réinventer un peu la façon de faire des films aussi? Et avec son ami Vinterberg, se sont assis, se sont dit, de quoi on a besoin pour faire des films? Et ce dont on a besoin, on va écrire une liste de commandements qui va... qui va nous forcer à s'en passer pour faire du cinéma. Vous parliez du vocabulaire, du lexique un peu religieux. Il y a la notion de punition là-dedans. Oui, prohibition, punition, ouais. presque de la flagellation par moment, parce qu'il existe des making-of de ces cinémas-là et ça n'a pas toujours été fait non plus. Mais l'idée, c'est de s'éloigner de ce qu'on voit partout, de la recette, du grand cinéma hollywoodien, mais pas qu'hollywoodien. C'est un petit peu ça, au départ, l'idée de Vinterberg. Absolument. Eux commencent à trouver le cinéma un peu redondant, ouais. trouvent que les jeunes ne prennent pas beaucoup de risques. Ils trouvent aussi qu'avec les moyens techniques qui se démocratisent, les gens n'en profitent pas pour renouveler le langage. On continue à faire à essayer de faire ce que Hollywood fait, d'essayer de faire ce que les Français font, ouais. les leaders du cinéma mondial. Alors, pour eux, ils se disaient, on va écrire une liste de trucs qui va forcer les... pas juste les jeunes, hein, parce qu'ils ont invité Scorsese à faire un Dog, ils ont invité Spielberg. Est-ce que ça a été suivi, d'ailleurs, ailleurs qu'au Danemark? Est-ce qu'il y a d'autres grands réalisateurs d'autres pays qui vont dire, tiens, je vais essayer de me faire un film Dog? Ben, on pourrait voir tout le Mumblecore comme un héritage du Dog, qui est un mouvement de cinéma américain, même new-yorkais, très, très fauché, où justement, on filme dans la rue, avec quasiment en improvisant, avec une caméra qu'on traîne sur soi, mais pas de façon officielle, je pense pas. Ben, il y a Harmony Korine, je pense qu'il y en a fait un à un moment donné. Oui, ouais. C'est Julian Donkey Boy. Oui, ouais, c'est ça. Ben, en fait, là, le dogme, lorsque tu croyais avoir respecté les règles, tu pouvais envoyer ton film à ces Danois-là. Ouais. Ils étaient 4 signataires, là, 2 qu'on connaît moins. Et puis là, eux analysaient le film et pouvaient, ça coûtait 4000 couronnes, je crois. Ah bon? À peu près 1000 ou 1500 $ canadiens. Donc c'était comme un institut. On avait le saut de certification. Oui, avec le numéro. Parce que bon, Festen, c'est le numéro 1. Les Idiots, c'est le numéro 2. Et par exemple, Jean-Marc Barre a un film Dog. Ensuite, il y a aussi au Québec, on en a même un qui s'appelle Lonely Child, réalisé par Pascal Robitaille, qui est le numéro 41, fait dans les années 2000. Ouais. Donc, on pouvait envoyer notre film là-bas et recevoir un certificat qu'on filmait et qu'on mettait comme d'entrée au générique du film en salle. Dans quelle mesure, cela dit, c'est rare qu'on réinvente la roue. Ça a quelque chose de très laboratoire, de très novateur, le Dog. Mais en même temps, quand on regarde un petit peu ce qui s'est fait dans l'histoire du cinéma, Raphaël Ouellet, il y a une parenté avec d'autres courants là, qui ont existé. Je pense au néo-réalisme italien, mais il y a eu autre chose. Ils n'ont pas tout réinventé. Là, Ils n'ont pas réinventé. On peut penser aussi même au cinéma direct québécois. Oui. On peut penser également à Kino Prada, par exemple. La Nouvelle Vague, il y a des liens à faire avec la Nouvelle Vague. Les premiers films, lorsqu'on descendait dans la rue et on tournait un peu à l'épaule, très petite équipe, il y avait beaucoup de ça aussi. Le néo-réalisme italien, lorsqu'ils sont descendus dans la rue, décors naturels, filmer des paysans, on était proche de ça aussi. Pour eux, ils se sont fait accuser d'avoir une espèce de mise en marché où c'est un peu une arnaque artistique, cette affaire-là, parce qu'ils n'avaient rien réinventé. Mais sans réinventer quelque chose, ils ont insufflé quand même un désir de liberté chez les autres cinéastes, un courant où on pouvait se défaire de l'esthétisme, des normes en ce qui a trait à la narration également, ou avoir un amour des beaux cadrages, de la photo magnifiée également. Ouais. Ben, on va rentrer dans ce que ça va donner concrètement, ce courant-là. Il y a évidemment deux voix principales, il y en aura d'autres, on en a évoqué quelques-unes, mais Lars von Trier, Thomas Vinterberg sont vraiment les deux principales têtes d'affiche de ce mouvement-là. Puis il y a deux films qui vont être assez emblématiques. On revient à Cannes en 98, Les Idiots et Festen. Pourquoi ces deux films-là sont si importants? Je propose d'abord d'écouter une capsule de la série Ma scène préférée, où la réalisatrice britannique Phyllida Lloyd décrit la fameuse scène du souper, qui est une bonne partie du film, dans Festen. Jeg ved ikke, om I kan huske, at far skulle altid i bad. Når han skulle det, så tog han Linda og jeg ind på hans kontor først, sjov nok. The film Festen, when the son in Vinterberg's film, when the son stands up at the family party and... Il y a une séquence marquante dans le film Festen de Vinterberg, quand le fils se lève de table lors d'une réunion familiale et qu'il révèle quelque chose d'épouvantable sur l'histoire de sa famille et de sa relation avec ses parents. On remarque tout de suite le côté cru de ce moment. C'est du cinéma à l'état brut, loin du tape à l'œil. C'est comme si nous étions devant un film de famille. Flashy, just as if here we are in a home movie. Så tak for de mange gode år. Og tillykke med det. And to commend the performances of all the actors around that table. On remarque aussi la performance des acteurs. C'est comme si nous étions les témoins d'une scène. Cela crée exactement le malaise que l'on recherche au cinéma et c'est difficile à atteindre. Au théâtre, cette impression de danger est plus fréquente parce que lorsque vous regardez la scène, vous ne savez vraiment pas si l'acteur va aller jusqu'au bout, s'il va arrêter de parler et s'il y aura un silence. Votre cœur s'accélère quand quelque chose tourne mal sur scène. Tous les réalisateurs ont envie de provoquer cette impression de direct sur grand écran. Cela crée un malaise dans le public et je pense que dans cette scène, Vinterberg a vraiment atteint son but. It creates that disturbance in the audience and I think in that scene Vinterberg really got to the heart of that. Alors pourquoi ce film-là, Festen, de Thomas Vinterberg, est un film si important, Raphaël Ouellet, dans l'histoire du dogme? Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce film-là, sur ce que permet ce cinéma particulier qui va ressortir des réalisateurs associés au dogme? Oui. Bien, dans le cadre du dogme, c'est le film le plus important parce que c'est le premier et c'est aussi le meilleur. Je veux dire, ce qui est venu après était un peu enrobé d'une gimmick de mise en marché. On l'entend bien dans l'extrait, cette proximité-là. Il y a comme le quatrième mur qui disparaît pratiquement. Aujourd'hui, on voit beaucoup ça dans le cinéma d'horreur, tourné en vidéo, comme si c'était toujours un membre de l'histoire qui filmait. On a l'impression que c'est une vidéo de famille, Festen, que c'est filmé par un des oncles ou un des neveux. Donc, il y a une très vérité, là. Très vérité, une vraie proximité. Donc, oui, c'est le cinéma du malaise. On a exploité ça beaucoup aussi en télévision par la suite. On peut penser à The Office, par exemple, qui a été fait aux États-Unis et en Angleterre. Donc, oui, c'est de couper le... C'est de couper la distance, en fait, qui rend ça... Même dans Les Idiots, c'est la même chose. Ça a donné naissance aussi aux documentaires, aux faux documentaires. Ça n'a pas donné naissance, mais ça a inspiré beaucoup ce mouvement-là également. Donc, je pense que cette idée-là du malaise, d'être catapulté en plein cœur de l'histoire, c'était la force de ces films-là. Et ceux qui ne l'ont pas exploité, ce côté-là, qui ont décidé de faire un film un peu plus conventionnel, se sont juste un peu plantés. Ouais. On fait des films un peu plus... ordinaire avec des moyens broche à foin. Vous en gardez quel souvenir? Marc-André Lucier, Hélène Ferragi, ça arrive, ça, fin des années 90. Oh oui, exactement. Puis bon, au départ, ça avait l'air d'un mouvement extrêmement enthousiasmant parce que, bon, ben, tu sais, ça veut faire bouger des choses et tout ça. Mais comme Raphaël le dit, vraiment, le premier reste le meilleur film de la série. Et puis lorsqu'on regarde... Qui est un grand film, absolument. Ouais. Et Les Idiots de Von Trier, bon, c'est pas un film banal non plus. Mais après, on regarde la liste des 50 films et puis il n'y a pas beaucoup de films qui ont marqué. Italien pour vraiment, débutants, là. Ça c'est un film qui, comédie d'ailleurs. De Lon Chaffee, je crois. Parce que est-ce que c'est une exception? J'ai pas évidemment tout vu les films du dog, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt dans le drame que dans la comédie généralement. On est beaucoup dans le drame. On peut penser à Suzanne Beer aussi, qui a réalisé Open Arts, qu'on connaît aujourd'hui pour Bird Box, beaucoup de télévision et un Oscar là, l'année de Incendie, je crois. Exactement. Mais c'est l'idée, c'était de faire ce cinéma-là très vrai et très proche des gens, sans artifice, et de prouver qu'avec une bonne histoire et des bons acteurs, on n'avait pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Ouais. Et Festen incarne ça parfaitement. Et un sens de la provocation folle aussi, parce que c'est quand même ça, c'est quand même ça Lars von Trier, surtout le dogme. Genre, oui, on se rappelle des règles, on se rappelle de Festen, mais en rétrospective, quand on sait et qu'on a vu Lars von Trier évoluer, on voit que là, il y avait déjà les germes d'un geste extrêmement provocateur. Ouais. Mais ça va s'essouffler vite. Ouais. Pourquoi ça va s'essouffler si vite? L'un des pères du dogme nous donne un bon élément de réponse dans l'extrait qui suit. Ja, hvordan har du det? Jeg har godt. Ja, så. We are playing a game in the world of filmmaking. Nous jouons à un jeu dans le monde de la réalisation où nous avons des règles, exactement comme si l'on jouait aux cow-boys et aux Indiens. Nous nous sommes imposés des règles sur la façon de faire nos films. Nous avons joué à ce jeu avec le dogme, mais nous avons tenté de faire des films d'une façon particulière. And we're playing this game of dogma where we're trying to make films in a particular way. We created dogma to revolt against the conventions of filmmaking. Nous avons créé le dogme pour nous révolter contre les conventions de réalisation et très rapidement, il est lui-même devenu une convention. Le dogme a été créé pour être nu, et il l'était. Mais il est très vite devenu la mode du moment. Quand je réalise mes films maintenant, je recherche la même chose que je recherchais quand nous avons fait le dogme, soit la vérité et la pureté. Et j'essaie de créer des moments qui resteront marqués en nous. Thomas Vinterberg, le père, un des pères du dogme, le réalisateur de Festen, pris à son propre jeu. C'est fascinant, cet extrait, Raphaël Ouellet. Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'est qu'on ne peut pas continuer de créer non plus dans ce cadre-là. Ça devient extrêmement difficile et essoufflant. Lui, il remporte un prix à Cannes, un prix du jury. Donc, ensuite, va avoir accès à des plus grands moyens, à plus de financement. Donc, va s'apprendre à ce jeu-là aussi, l'appât du gain, mais aussi l'appât des histoires plus développées, plus enrobées aussi. Lars von Trier, entre l'écriture du dogme et son premier, ses idiots, aura fait Breaking the Waves aussi, va avoir connu un tout autre succès, des idées d'envergure. Donc, même eux n'ont pas vraiment envie de continuer de faire ces films-là. Ouais. Et ils vont faire durer le fameux certificat, le sceau d'authentification, encore pendant à peu près une dizaine d'années. Il en restera quoi de ça? C'est anecdotique? C'est Marc-André Lucien? Il en restera deux films, à mon avis. Et effectivement, le mouvement s'est essoufflé très rapidement. Est-ce que ça a vraiment marqué l'histoire du cinéma? Moi, j'ai l'impression que c'est plus un mouvement de provocation. Même l'annonce à Paris, au Théâtre Odéon, ça a été fait de façon très spectaculaire. Puis bon, cinéma, quand je repense à cette période-là, moi, ce sont les deux titres qui me reviennent en tête. Bon, Festen et Les Idiots, mais à part ça, pas vraiment. C'est sûr que quantitativement, il n'y a pas énormément à dire du mouvement dogme. Ceci dit, ça reste quand même un mouvement où le cinéma a essayé de se libérer de quelque chose, d'une emprise qui existait dans ces années-là. Ce qui n'est pas rien, qui n'a peut-être pas donné les fruits qu'on attendait, mais qui tout de même a un petit peu... C'est le petit caillou dans la chaussure du cinéma. Cela dit, on a l'impression que plusieurs de ces gens-là ont vite compris que le plaisir du cinéma, ça pouvait se situer ailleurs aussi. Et d'en utiliser les outils. Je crois que ce besoin-là, c'est recréé. Raphaël Ouellet. Ben pour moi, ça a légitimé l'arrivée des nouveaux moyens technologiques abordables et accessibles aux gens. Mm-hmm. Sinon, ces films-là auraient peut-être resté confidentiels. Et là, tout à coup, ils peuvent se rendre à Cannes, ils peuvent se rendre à Berlin. Et ça crée une génération de gens qui ont créé dans l'urgence, qui ont appris à être débrouillards. Mm-hmm. Et plus près de nous, on peut penser au film de Denis Côté, par exemple. Ouais. Tout le mouvement Kino, La moitié gauche du frigo de Philippe Falardeau sont tous des héritiers du dogme. Pedro Almodóvar es más que un símbolo para el cine español. Es un símbolo, su cine es un testimonio de una época. Pedro Almodóvar est plus qu'un symbole pour le cinéma espagnol. Ses films témoignent d'une époque de profond changement, de transformation majeure dans la société espagnole et dans la société civile à laquelle, je pense, son cinéma a ouvert la porte. Je pense aussi que son cinéma est une réaction assez intelligente et subtile à cette répression. Car si vous observez bien, jamais le franquisme n'est abordé et jamais ne sont mentionnées les années de dictature. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. El franquismo nunca se mencionan los años de dictadura como si no hubieran estado. Cuando el mundo pierda toda magia. Sur la chanson « Résistere » qu'on entend à la fin du film « Attache-moi », vous entendiez le critique de cinéma espagnol Carlos Reviriego, Hélène Faradji, Pedro Almodóvar, c'est l'Espagne. C'est aujourd'hui un géant pour le cinéma espagnol. Sa relation, on en parlait dans cet extrait avec l'Espagne. De quelle manière l'Espagne est importante dans son cinéma? De quelle manière il est important pour l'Espagne? C'est vrai que les deux sont intimement liés. Pedro Almodóvar et l'Espagne, ça marche ensemble de façon organique, j'ai envie de dire, parce que ça reste même aujourd'hui un réalisateur qui a fait plus de 22 films, qui a eu un succès international, qui a dû se faire contacter par Hollywood des millions de fois, mais qui a toujours tourné en Espagne. Ouais. Que ce soit Madrid ou Barcelone, ça s'est à peu près baladé comme ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui a épousé les grands changements sociopolitiques de l'Espagne, à la fois en les subissant et les incarnant. J'ai envie de dire. Il est né en plein franquisme, comme beaucoup d'Espagnols de ces années-là. Il part à Madrid faire des études, il commence à s'intéresser au cinéma et Franco ferme l'école de cinéma national. Zut. Donc déjà, ça commence comme ça. Il va se retrouver employé de la Société nationale de téléphonie espagnole. D'ailleurs, un emploi qu'il va garder assez longtemps, même en étant réalisateur. Mais en 75, c'est la mort de Franco. Et Almodóvar, qui est maintenant à Madrid, commence à rejoindre des mouvements de créateurs. Mmh. Pour l'instant, ça ne s'appelle pas encore la Movida, mais c'est des jeunes créateurs qui essayent de faire bouger un peu les règles, la façon dont on entrevoit la société espagnole et la moderniser cette société-là. Exactement, faire exploser les tabous, les conventions, les règles extrêmement strictes qui ont dominé l'Espagne pendant ces années-là. Et la mort de Franco va vraiment précipiter ce qu'on appelle la Movida. C'est-à-dire un mouvement de libération, qu'elle soit artistique, sexuelle, sociale. Et Pedro Almodovar va être un des artistes majeurs de la Movida. Pas forcément en cinéma, il va faire quelques courts-métrages, mais il va faire du roman photo, il va faire du théâtre, il va faire de la musique. Il va avoir un duo de musiciens avec un autre jeune homme. Et il va vraiment participer à ce mouvement-là très provocateur, un peu punk, qui essaye de se rebeller un peu contre la chape de plomb qui a pesé sur l'Espagne. Et c'est cette Espagne qu'on va voir dans son cinéma, cette Espagne qui se libère, qui prend une grande bouffée d'air frais, cette Espagne des marginaux, et cette Espagne, ses couleurs espagnoles aussi dans son cinéma. Oui, le jaune et le rouge, c'est vraiment des couleurs dominantes dans le cinéma d'Almodovar. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un cinéaste qui a vraiment incarné dans son cinéma la rébellion, mais n'a jamais traité de politique directement. Il n'a jamais parlé de Franco, même si, en tant que personnalité publique, il s'est opposé au gouvernement espagnol de multiples fois, notamment quand le gouvernement Aznar a voulu envoyer l'Espagne en guerre contre l'Irak. Almodovar a été un des plus virulents opposants, mais dans son cinéma, il a toujours pensé que ignorer Franco, ignorer la situation politique, c'était la meilleure façon de la dénoncer, d'une certaine façon. Les années 90, dans le cinéma d'Almodovar, parce que c'est la décennie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une décennie intéressante parce que c'est, décrivez-la moi un peu, cette décennie-là pour lui, mais c'est un petit peu la décennie où il entre dans sa mutation, il passe d'une période à l'autre. Tout à fait. Alors, le cinéma des années 80, pour Almodovar, c'est un cinéma très excessif, très flamboyant. On est vraiment dans l'héritage direct de la Movida, donc presque punk. Par moment. Et les années 90, il commence à s'assagir un peu, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à trouver la voie d'un classicisme formel dans lequel il s'exprime de façon toujours aussi révoltée, toujours aussi flamboyante, mais qui lui donne accès notamment aux grands festivals internationaux, aux Oscars, à une scène cinéphile internationale qui reconnaît son talent immédiatement. Mais ça reste, ce ne sera pas encore, ça, ce sera vers la fin des années 90, puis on va y revenir dans un instant, Tout sur ma mère, le cinéaste de la maturité, mais le grand mélodrame à l'Almodovar. Les années 90, c'est quand même encore les comédies très flamboyantes, Attache-moi. C'est la transition, c'est vraiment la décennie où il passe de l'un à l'autre, donc il passe de quelque chose de très provocateur. Kika, par exemple, qui est un film qui n'a pas très bien marché, mais qui était quand même dans cet esprit des films plus punk des années 80. Et tranquillement, on s'en va vers En chair et en os, vers Tout sur ma mère, vers Parle avec elle plus tard, évidemment. Et au centre, toujours, de ce cinéma d'Almodovar, les femmes. Selon le médecin légiste, Don Manuel Sancho est mort jeudi dernier entre 9h et 11h du soir. Durant ces 2 heures, 3 femmes lui ont rendu visite. Avec l'une d'elles, il a fait l'amour. Avec une autre, il a eu une conversation très tendue. Et la troisième l'a découvert mort. En premier lieu, je voudrais savoir si c'est l'une de vous qui l'a tué. Pas besoin d'aller à l'université pour étudier quoi que ce soit qui permette de connaître les femmes. Il suffit d'avoir des yeux, des oreilles et un peu de curiosité. De toute façon, je crois que ma sensibilité par rapport à l'univers féminin s'explique parce que j'ai été élevé par des femmes. Ma mère n'avait pas d'argent, c'était l'après-guerre. Les enfants suivaient leur mère partout. Et si on n'était pas avec elle, on nous confiait aux voisines. C'est pour ça que dans mes premiers souvenirs d'enfance, je me vois toujours entouré de femmes. Et je me rappelle très bien que je les écoutais parler. Parce que pour moi, la vie, c'était écouter ce qu'elles racontaient. Et on trouvait là tous les genres cinématographiques. Le mélodrame, l'horreur, la comédie musicale. Parce que toutes ces choses se passaient vraiment sous les yeux de tout enfant de 4 ans qui restait là, au milieu de tout ça, dans les patios. Je ne savais pas qu'un jour j'allais devenir réalisateur, mais j'étais déjà en train de prendre des notes mentalement sur tout ce qui se passait autour de moi. Mais j'ai passé toute ma vie à t'imiter. Depuis que nous sommes séparés, j'ai essayé de rivaliser avec toi en tout, sans aucun succès. Une seule fois, j'ai réussi à gagner, une seule, avec Manuel. Avec Manuel, on a perdu toutes les deux. Oui, mais c'est moi qui l'ai épousé, pas toi. Moi, j'ai travaillé avec lui dans les années 90. 5 années, passionnant et passionné. C'est 3 films en 5 ans. Et des voyages par le monde. Tu vois, chaque film, c'était la promotion mondiale. Donc, extrêmement fatigant. C'était une période où j'ai perdu 4 kilos hein, par film. Donc, c'était un petit peu dur. Mais, et là, maintenant, dans la cinquantaine, je ne l'ai pas encore touché. On n'a pas encore retravaillé. À mon avis, avec Pedro, tu sais, c'est comme les unions amoureuses passionnées, passionnantes, qu'une fois que ça se coupe, c'est rare qu'ils reviennent ensemble. Vous ne pensez pas donc retourner à... Non, moi, si. Moi, je vais bien. Moi, je vais bien. Mais ouais. il sait très bien qu'il faut m'écrire quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'on a déjà fait. Hein. Cuando quieras quitarme la vida. La comédienne Victoria Abril au micro de Christiane Charette en 2007 et juste avant Pedro Almodovar à la chaîne Euronews en 2014. Tout ça avec quelques extraits de la bande-annonce du film Talon aiguille qui nous remet bien dans l'ambiance de ce cinéma des années 90. Hélène Faradji, il en aura, Victoria Abril, mais Penelope Cruz, il en aura toute une Kyriel, oui. De muse. Mm-hmm. Les femmes sont vraiment au cœur du cinéma. Au cœur de son cinéma. D'abord, des muses qui fluctuent, elle le disait, Victoria Abril. On ne sait pas très bien pourquoi, mais peut-être parce que c'est un cinéaste très passionné, effectivement, mais il change de muse régulièrement. La première, ça a été Carmen Maura. Mm. Il l'a répudiée publiquement. Et il faudra attendre 17 ans pour que finalement elle revienne dans un de ses films d'Envol vert. Effectivement, il y a eu Victoria Abril, Penélope Cruz, qui a l'air de revenir un petit peu dans les bonnes grâces, Marisa Paredes, Cecilia Roth aussi, qui ont souvent été dans ses films. C'est un cinéma qui est fondamentalement féminin parce que je crois que la mère d'Almodovar a eu une importance capitale sur la carrière de son fils. D'abord, il porte son nom. Le nom de son père, c'était Caballero, mais il a décidé de choisir le nom Almodovar, qui est le nom de sa mère. D'ailleurs, elle est morte en 99, juste après Tout sur ma mère. Et quand il était enfant, elle tenait un commerce de lecture et d'écriture de lettres. Et il a eu cette très, très jolie déclaration à son sujet. Il a dit « Elle m'a montré comment la réalité avait besoin de la fiction pour être plus complète, plus agréable et plus vivable. » Donc, je crois qu'il a ce sentiment de lui devoir son amour de la fiction, du cinéma. Ouais. Et effectivement, alors elle est beaucoup apparue dans ses films, des petites apparitions, mais c'est surtout la figure de la mère qui traverse le cinéma d'Almodovar. La mère, mais plus que ça, des femmes, souvent des femmes dans la marge aussi, dans le cinéma d'Almodovar. Marc-André Lucier, est-ce que c'est un des réalisateurs qui offre le plus bel hommage qu'on puisse faire aux femmes au cinéma? Vous le situez? Ben, sans doute. Et je dois avouer d'emblée qu'Almodovar est l'un de mes cinéastes favoris. Moi, j'ai l'impression que, bon, oui, bien sûr, c'est un hommage aux femmes. C'est un hommage au cinéma. C'est un hommage à plein de choses dans ses films aussi. Et moi, j'avais eu le plaisir de le découvrir dans les années 80, dans une époque extrêmement flamboyante, là, avec des films comme Matador et La loi du désir. Et dans les années 90, je trouvais que, justement, on dirait qu'il cherchait d'autres marques qu'il a trouvées par la suite, bien sûr, avec le grand cinéma qu'il nous a offert à partir de Tout sur ma mère. Et avant d'arriver à ce virage fondamental de Tout sur ma mère, encore un petit mot sur cette marge, parce que autant elle s'incarne par des personnages de femmes, cette marge-là, mais c'est aussi important cette thématique de la marge que celle de la femme. Mais c'est un grand cinéma de l'identité, je crois, le cinéma d'Almodovar. Donc, on se questionne sur les limites, les tabous, la transgression. Beaucoup, beaucoup de travestissements, de déguisements dans le cinéma d'Almodovar. Lui, il ne connaît pas l'hétéronormativité. Je pense que ça n'a jamais été une question. Ça, c'est vraiment pas un problème. Mais c'est quelqu'un qui joue beaucoup, beaucoup avec les personnages marginaux, cette idée de tabou et de limite, mais en leur donnant des grands sentiments nobles, ce qui leur redonne une place de héros de cinéma. Et puis à la fin des années 90, donc on y vient, ce grand film qui annonce que Almodovar va devenir le Almodovar de la maturité. Un jour, faudra que tu me dises tout sur mon père. Ça suffit pas de dire qu'il est mort avant ma naissance. Je t'assure que c'est pas facile à raconter. J'imagine. Tu me l'aurais raconté sinon. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je pensais à ton fils. Je me souviens parfaitement de son visage sous la pluie. Avec son cahier à la main. Esteban! C'est un film absolument magnifique, un film majeur, à mon avis, dans la carrière de Pedro Almodóvar, qu'on connaît bien pour ses films comme « Femme au bord de la crise de nerfs » et « Talons aiguilles ». Je pense que c'est les films qui ont le mieux marché ici. Et là, c'est dans la même veine, vous diriez, vraiment? C'est un film beaucoup plus mature, qui fait vraiment une espèce de synthèse des thèmes d'Almodóvar, mais qui met un peu son sens du comique, sa flamboyance, un peu de côté, ou qui la décante de façon beaucoup plus subtile dans un film très, très, très puissant, une espèce de chant choral dédié, un hommage aux femmes et aux actrices qui ont joué les actrices. Dis-moi ce qu'elle t'a dit d'autre. Tout. Absolument tout. Ah, les femmes. On ferait n'importe quoi pour pas se retrouver toutes seules. Nous, les femmes, on est plus tolérantes. Mais c'est bien, non? Mais oui, je sais, c'est pas la question. Seulement, comme je suis énervé depuis ce matin, une petite pipe, ça me détendrait. Pourquoi tu m'en fais pas une? Moi aussi, j'ai mes nerfs. Ça doit faire des millénaires que j'ai pas sucé une bite. Tout sur ma mère en 1999, qui marque vraiment un tournant. Martin Bilodeau le signalait dans l'extrait qu'on vient d'entendre dans le cinéma d'Almodóvar. Pourquoi c'est un film si important? Parce qu'il assume le mélodrame à l'ancienne, à la Douglas Sirk. Il assume aussi son amour du cinéma, son amour de la culture. Hein, le film commence alors que une mère et son fils vont voir une représentation d'un tramway nommé Désir. All About Eve est cité textuellement dans le film aussi. Almodóvar l'a dit lui-même, le film est un hommage aux femmes, mais aussi aux actrices. Il en a pris trois, Gina Rowlands, Betty Davis et Romy Schneider. C'est vraiment les trois muses qui l'ont inspiré pour ce film-là. La musique d'Alberto Iglesias aussi, qui est magnifique, vraiment. Et c'est, je crois, un film où il comprend qu'il a le droit de ne pas ridiculiser certaines situations et au contraire de plonger tête première dans les sentiments les plus exacerbés, les passions les plus folles, et qu'il a le droit de le faire en étant un cinéaste classique, d'une certaine façon. Raphaël Ouellet, on ne vous a pas beaucoup entendu dans ce bloc. ça vous branche ou pas, Almodóvar? Moi, j'ai vu tous ces films des années 90. Je l'ai un peu délaissé par la suite d'un concours de circonstances. Ouais. C'est des films que j'apprécie. J'écoute ce que Hélène est en train de nous raconter et j'ai vraiment envie de m'y plonger davantage. Des heures de bonheur qui vous attendent. Il y a plus qu'un Almodóvar, on l'a bien compris. Marc-André Lucier, lequel vous est votre Almodóvar? Moi, mon Almodóvar, c'est l'Almodóvar des années 80, mais c'est aussi l'Almodóvar de maintenant. Parce que je pense qu'il a comme bouclé la boucle. Et le prochain film qui s'en vient, là, qui s'appelle « Douleur et gloire », dont on peut voir la bande-annonce ces temps-ci, c'est vraiment, ça semble être un film somme dans lequel il revisite tous les personnages importants de sa vie. Et d'ailleurs, il y retrouve le seul acteur qui a été sa muse, qui est Antonio Banderas. Exactement. Donc, à surveiller. Ouais, ouais. Est-ce que c'est, pour moi, c'est la finesse, c'est la beauté, en fait, de son cinéma. Est-ce que c'est un des grands esthètes actuellement? Oh, je pense que oui, c'est vraiment quelqu'un qui a compris, en tout cas en s'agissant un peu, en allant dans cette voie du mélodrame plus classique, qui a compris qu'il avait un don incroyable pour l'agencement des scènes, pour la mise en scène. Ouais. La mise en scène qui vient soutenir, développer les passions humaines. Mmh. On a vraiment ce sentiment à la fois de quelqu'un qui maîtrise la forme et le fond, ou en tout cas qui sert de la forme pour mieux exalter les sentiments humains. Et c'est vrai que c'est assez irrésistible, en fait, les films d'Almodóvar. Et qui utilise tous les instruments à sa disposition. La musique, on en a parlé, mais il y a ces images, souvenez-vous, dans Pina Bausch, des extraits. Beaucoup de citations directes d'autres films ou d'autres arts qui viennent émailler ces films. C'est assez récurrent, oui. Le film le plus cher de l'histoire du cinéma sort aujourd'hui en Amérique du Nord. La fresque historique de plus de 3 heures devait coûter au départ environ 100 millions de dollars. Elle en aura finalement englouti plus de 200. Le film Titanic a sans doute, à l'heure qu'il est, battu le record des recettes dans les salles de cinéma des États-Unis et du Canada. Selon les prévisions de Paramount, le film de James Cameron devait passer ce week-end la barre des 461 millions de dollars en recettes. Le très beau film du réalisateur canadien James Cameron, Titanic, détient maintenant le record de recettes mondiales au box-office dans l'histoire du cinéma, avec 918 millions de dollars. La traditionnelle cérémonie des Oscars a lieu ce soir à Los Angeles. Le film Titanic part favori avec ses 14 nominations, dont meilleur film et meilleur réalisateur. And the Oscar goes to Titanic. The Oscar goes to James Horner, Titanic. Deborah L. Scott for Titanic. The Oscar goes to James Cameron for Titanic. There's no way that I can express to you what I'm feeling right now. My heart is full, except to say, I'm the king of the world! Que dire? Après ce qu'on vient d'entendre, Marc-André Lucier, un immense succès commercial. Inattendu. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça a autant marché? Qu'est-ce qui fait que ce film-là est un film important? Ben, je ne sais pas. J'écoutais Hélène parler du cinéma de Pedro Almodovar en disant qu'il assumait pleinement les émotions et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est ce que James Cameron a fait aussi avec ce film-là, puisqu'on le connaissait en tant que réalisateur de gros films d'action. C'est lui qui avait créé Terminator, qui avait fait réaliser aussi le Terminator 2, qui, ouais. était, qui avait beaucoup plus de moyens. On le connaissait pour The Abyss, déjà, un film sous-marin. On le connaissait pour... le remake du film français de Claude Didi, La Totale. True Lies. True Lies, c'est ça. Et, et donc, il nous arrive avec ça, qui est une super production, évidemment, qui avait très mauvaise réputation au moment de sa fabrication. Et à cause des dépassements de budget, ouais. à cause de l'ampleur de la production. Et pourtant, il nous est arrivé avec ce film qui, dit-il, est avant tout... une histoire d'amour. Ouais. Et c'est peut-être la clé qui a fait que ce film-là a rejoint toutes les générations, qui a fait que des gens qui n'avaient pas mis les pieds dans une salle de cinéma depuis une vingtaine d'années sont retournés dans les salles, qui a fait que des gens sont allés voir et revoir ce film ouais. à plusieurs reprises. Ça a vraiment été un phénomène. Ouais. Une histoire d'amour, mais plus encore, quand on regarde un peu ce film-là, il y a même un aspect sociologique. Ah ben tout à fait, parce que bon, oui, bien sûr, c'est une grande histoire d'amour, mais qui est quand même racontée dans un cadre très précis. Et donc, l'astuce, je trouve presque géniale qu'a eu Cameron en abordant l'histoire de ce film-là, c'est justement d'avoir créé une histoire d'amour entre des gens de classe sociale mmh. complètement différente. Une espèce de Roméo et Juliette, bon... c'est un petit peu boiteux comme comparaison, mais c'est Roméo et Juliette vont en bateau. Oui. mais c'est un peu ça, en ouais. fait. Et il y a toute la progression de cette histoire-là, cette histoire d'amour entre Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, qui s'étale quand même sur deux bonnes heures ouais. avant que le drame ne frappe. Ouais. Et vraiment, là, ça crée des émotions assez percutantes. Mais vous le disiez, Marc-André, c'était... puis je le présentais comme ça, cette histoire-là, c'est... le film est... on était rendu à presque 1 milliard dans l'extrait qu'on entendait, mais au oui, total... mais au total, ça a franchi genre 2 milliards de dollars c'est de colossal. Parlement. C'est colossal. Donc, un ça succès a été énorme. Le tout premier film à franchir la barre du milliard de dollars de recettes ouais. sur le plan mondial. Et pourtant, donc, film milliardaire, deux fois plutôt qu'une, mais au départ, un pari très, très risqué. On écoute un film qui dure plus de 3 heures. L'histoire du Titanic arrive après d'un naufrage. Ben. Ça commence 2 heures plus tard. On écoute, vous allez voir, c'est assez amusant. Le réalisateur James Cameron en parlait à l'émission de Charlie Rose en 1997. Comment il présente son projet, là. Il n'y a rien de tourné encore au producteur Hollywood. Well, it all starts with the pitch, yeah. right? So I go in and I sit down at 20th Century Fox and I say, OK, guys, here's the picture. Tout right. commence avec l'argument de vente. Je rencontre les patrons de la 20th Century Fox et je leur dis « Voici le concept. C'est un drame historique qui se déroule en 1912. On ne peut pas avoir de vedettes parce que les personnages sont trop jeunes. Ça va probablement coûter plus de 100 millions de dollars. Tout le monde meurt à la fin et il n'y a pas de possibilité de suite. Qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? » And everybody dies at the end and there's no sequel. What do you think? Sound good? And they're like, let us think about this. But, you know, so it's a tougher sell. C'est difficile à vendre parce que les grands studios d'Hollywood n'ont pas l'habitude de produire un film de cette envergure sans les éléments plus sécurisants pour eux. Ils étaient réservés au début et je leur ai dit, laissez-moi écrire le scénario. Ils l'ont lu et ils m'ont ensuite dit, tu sais quoi? Nous détestons le fait que nous aimions autant cette histoire parce que maintenant, on n'a plus le choix de faire le film. Because now we're going to have to make it. Et voilà, tu peux ouvrir les yeux. Oh. Je vais m'envoler. Histoire incroyable, Marc-André Lucier. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il veut à ce point? On a une petite idée de bon, comment il convainc les producteurs, c'est déjà une chose, mais qu'est-ce qui fait qu'il s'embarque dans, sur une telle galère? Ben, oui. premièrement, lui, il est déjà passionné par cette histoire-là, au point où il a fait une douzaine de plongées lui-même vers l'épave du Titanic. Il y a d'ailleurs des scènes qu'il a tournées, qu'on voit d'ailleurs au début du film. Et donc, il est extrêmement investi là-dedans. Et devant l'ampleur du projet, parce qu'il faut se reporter quand même, il y a plus de 20 ans, un budget de 100 millions de dollars, c'était déjà énorme et pratiquement impensable, de sorte que c'est l'une des premières superproductions à avoir été appuyée par deux studios. Maintenant, on rencontre ça assez souvent pour des productions très chères, c'est-à-dire un studio va s'occuper du territoire nord-américain, puis un autre studio va s'occuper du reste du monde. Alors, c'est ce qu'ils ont fait à l'époque. C'était la Fox et Paramount. Et donc, ils se sont alliés pour faire ce budget-là. Mais encore là, James Cameron n'était pas au bout de ses peines, puisque avec les dépassements de budget, il a dû renoncer à son cachet de réalisateur, de producteur. Tout ce qu'il a gardé, c'est son cachet de scénariste. Mais donc, film qui va être un succès colossal parce que histoire d'amour, parce que cette histoire d'un événement marquant, d'une tragédie, celle du Titanic au 20e siècle, parce que ce portrait de société aussi, cohabitation, les différences de classe qu'on voit. Ah ben oui, absolument, et qui sont montrées de façon vraiment un peu cliché, diront certains, mais quand même, bon, évidemment, les prolétaires qui font une party dans la cave ou à peu près, alors que la très haute bourgeoisie dans les étages supérieurs, ben là, c'est beaucoup plus... Et Rose est très mal à l'aise dans ce milieu-là, puis elle veut s'en extirper. Donc, ça va donner ce film qui sera... J'avoue que quand on s'est dit... les trois séquences à retenir pour le cinéma des années 90, c'est qu'on a parlé de Titanic. J'avoue que j'ai eu un sourcillement. Est-ce que c'est vraiment un grand film? 2 milliards, bien. Oui. Est-ce que c'est... Quelle place il occupe, ce film-là, dans l'histoire du cinéma? Avant d'en parler, un de ceux qui le défend et qui dit à ceux qui sourcillent, allez vous rasseoir. Xavier Dolan, qui parle donc de son amour de ce film à Catherine Perrin en mai 2012. Chaque fois que je parle de ce film-là, ça soulève l'ire là, des puristes en cinéma, des vrais cinéphiles. Des cinéphiles purs et durs. Oui, qui me regardent soudainement avec condescendance. On peut-tu comprendre qu'à 9 ans, Titanic a eu plus de chances de vous marquer qu'un film de Tarkovsky? Titanic me marque encore aujourd'hui. Quand je le revois, je trouve encore que c'est un film parfaitement ficelé. On s'en fout qu'il y ait deux ou trois toiles de Picasso qui coulent avec le paquebot et que ce soit un vrai semblance. C'est pas ce qui fait en sorte qu'un film est bon ou pas bon. C'est un film géant. C'est un film qui a marqué son temps, son époque. C'est un film qui a révolutionné plusieurs concepts. C'est un film dont la direction artistique, la production, les costumes sont d'un volume et d'une importance inégalée. Les effets spéciaux d'Avatar sont de loin inférieurs aux effets spéciaux à l'époque de Titanic. C'est un film, en tant qu'enfant, qui m'a donné des ailes et qui m'a fait comprendre quelle sorte d'ambition j'avais envie d'avoir dans ma mire. Ouais. Et encore aujourd'hui, je le revois, puis je comprends pourquoi il m'a séduit comme ça. Il me séduit encore. Hélène Faradji, Raphaël Ouellet, est-ce que Titanic est un film géant et révolutionnaire? Hélène Faradji. Grosse question. Je reprends les paroles, mais il y a un petit peu de mauvaise foi aussi dans ce que je viens de faire, les paroles de Xavier Dolan. Est-ce que c'est un film marquant pour l'histoire du cinéma? Oui, évidemment. D'un point de vue technique, d'un point de vue financier, d'un point de vue symbolique, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Est-ce que ça en fait un bon film? La question reste entière. Je me défile. Non, c'est pas vrai. C'est un film très romanesque, donc très facile à aimer, j'ai envie de dire. Cameron avait les bons ingrédients, il les a bien appliqués, il les a bien utilisés. Est-ce que c'est de l'inventivité? Est-ce qu'on peut voir une patte de cinéaste là-dedans qui nous donne envie de le classer dans les plus grands films de l'histoire de la cinéphilie mondiale? Je ne pense pas. Ouais. Mais est-ce qu'il a bien fait son travail? Oui, Raphaël Ouellet, vous l'avez vu et plus d'une fois, ce film-là. Plus d'une fois, 5 fois en salle. Moi, je suis très reconnaissant envers Xavier Dolan de réhabiliter Titanic. J'avais 23 ans à l'époque, j'en avais pas 9, mais moi, ça m'a complètement séduit. Sur grand écran, à l'époque, les blockbusters, les films qui pouvaient flirter des fois avec le genre film catastrophe, on avait Independence Day, des films de volcans, des films de tornades. Tout ça était un peu pensé pour les adolescents. Alors que Titanic s'adressait à tout le monde. C'est un film assumé. Ouais. L'expression « ne pas bouder son plaisir » s'applique parfaitement à Titanic. C'est généreux, ça peur de rien, c'est très ambitieux, méticuleux. Et aussi, c'est un scénario assez classique, oui, presque oui, scolaire. Les archétypes sont très gros, très bien définis. Mais quand ces trucs-là sont bien faits, ça fonctionne. Oui. Et Titanic est un peu la somme de tout ça. Donc oui, c'est un film à quelque part un peu parfait. Ce qu'il y a d'imparfait dans Titanic, c'est des décisions de scénarisation un peu justement romanesques. Mm-hmm. Mais dans ces imperfections-là de décision, oui, la perfection émerge quand même. C'est ce, mm-hmm, c'est ce que la machine hollywoodienne, et sans préjugés, là, sans, peut donner de meilleur, en fait. C'est un film comme celui-là ne peut pas être fait ailleurs qu'à, oui, Hollywood. Ça, c'est assez clair. Mais ça montre pourquoi ce cinéma-là continue aujourd'hui encore de marcher du tonnerre partout dans le monde entier. Oui, tout à fait. Et si je peux raconter une petite anecdote personnelle... La première fois où j'ai vu le film, moi, c'était dans le cadre d'une rencontre de presse. Vous savez, c'est ces espèces de rencontres où l'on invite des journalistes d'un petit peu partout à voir le film et rencontrer ensuite les artisans. Et personne ou à peu près avait vu le film encore. Ouais. Et la réputation du film roulait encore sur la très mauvaise, les très mauvais échos qu'on en avait eus. Et je me souviens de la réaction des journalistes dans la salle le soir où on a vu ce film-là. Ça a été un virage à 180 degrés. Les journalistes étaient d'un enthousiasme délirant. Mais évidemment, lorsqu'un film obtient un tel succès, ben ça amène évidemment son flot de critiques bien souvent. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas techniquement l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, mais quand même, c'était un film extrêmement bien fait. C'est du beau cinéma commercial, ouais, populaire. Et je l'ai revu il y a 2 ans. Je ne l'avais pas revu depuis la sortie. Et je trouve qu'il tient encore très bien la route. Et je peux vous dire que moi, en tout cas, en préparant cette émission, je me suis dit qu'il fallait que je revoie ce film-là. Mmh. C'est toujours ça de pris. C'est déjà le moment de terminer ce tour d'horizon de cette décennie des années 90 au cinéma. De quoi aurions-nous aussi pu parler, Marc-André Lucier? Bien, de plusieurs choses, mais aussi du fait que les années 90, c'est aussi la décennie où on a commencer au cinéma à parler du fléau du sida. Il y a des films importants qui ont été faits. En France, Les Nuits Fauves, de Cyril Collard, par exemple. Aux États-Unis, Philadelphia. Ça a marqué sur ce plan-là. Alors, sur le plan social, je trouve que ça a été un moment assez crucial. Hélène Faradji? Pour moi, c'est l'apparition dans le cinéma américain de toute une génération de jeunes loups. Évidemment, Tarantino, les Coen, Jim Jarmusch, David Lynch, Paul Thomas Anderson. Bref, plein de jeunes gens qui arrivent et qui pratiquent un cinéma ultra référentiel, souvent assez drôle, qui bouge un peu les codes du grand cinéma classique hollywoodien américain, disons plus suranné à cette époque-là, mais qui redonne un petit peu de peps à tout ça. Raphaël Ouellet. Christophe Kieslowski. Ouais. Avec le décalogue qui a été tourné à la fin des années 80, mais que nous, on a connu dans les années 90, qui marque aussi la fin du communisme en Pologne. Et ensuite, ses chefs-d'œuvre, W de Véronique, indissociable avec la trilogie des trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Un cinéma d'une grande humanité. Un homme parti trop tôt, assurément. Mm-hmm. Donc, pour moi, Kieslowski demeure un peu la figure emblématique des années 90. En tout cas, merci infiniment à tous les trois d'avoir évoqué cette décennie avec les séquences qu'on a retenues, puis avec des petits clins d'œil à gauche et à droite. Raphaël Ouellet, réalisateur, cinéphile, Hélène Faradji, critique de cinéma, animatrice du balado cinéma plein écran, et Marc-André Lucier, également critique de cinéma. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.